Chapitre 14e. Un fantôme de son passé venait-il de lui apparaître si bien déguisé que son cœur ni ses yeux ne pouvaient le reconnaître? Une chose surtout étonnait le duc, c'est que cette étrangère ne se fût pas nommée. Elle devait pourtant cette politesse aux bonnes grâces de l'hospitalité reçue. Mais ce nom qu'elle ne disait pas ne pouvait-il pas être l'étincelle qui ferait jaillir la clarté dans ses souvenirs? La personne qui se tenait droite et blanche devant lui avait le visage fatigué. On la devinait plus jeune qu'elle ne le paraissait. Elle avait comme un voile de tristesse répandu sur les traits, la bouche sérieuse et comme habituée au long silence, les yeux extraordinairement beaux. Voilà des yeux que je n'aurais jamais oubliés, s'ils s'étaient un jour arrêtés sur moi, pensa de nouveau M. de Carlepont. La bigorne venait de prendre un chandelier sur la table. Ça, dit-elle d'une voix radoucie, les enfants ont besoin de sommeil. La petite fille, qui était toujours sur les genoux de Henri, se laissa glisser par terre. « Tu entends ?» reprit-elle en se frottant les yeux. « Notre château s'appelle le château de la Morlaix. »« Et madame de la Morlaix vous remercie, monsieur le duc, » dit à voix basse l'étrangère. Ce nom qui venait en quelque sorte de lui être arraché ne réveilla aucun écho dans la mémoire de monsieur de Carlepont. « Il est clair cependant qu'elle me connaît, » pensa-t-il de nouveau. Tandis que madame de la Morlaix s'inclinait devant lui. Au point du jour, le duc poussa les volets de sa fenêtre. Une lumière brillante faisait étinceler la neige. Plus devant, la brume s'était dissipée. Quand un oiseau partait au milieu des buissons, le battement de ses ailes secouait parmi les branches une poussière de givre qui rayonnait aux premières clartés du matin. Les lourds sabots des pâtres et des rouliers sonnaient sur la route durcie. Tandis que monsieur de Carlepont s'habillait, il crut entendre un bruit confus de voix dans la pièce commune. Il se hâta et trouva la bigorne qui versait du lait chaud dans des tasses. « Voilà pour madame de la Morlaix et sa fille, » dit-elle. « On dirait que le feu est à la maison. Il y a plus d'une heure déjà qu'elle est debout et qu'elle presse le cocher. Regardez !» Le geste brusque de la bigorne fit voir monsieur de Carlepont, Noël et le cocher qui tiraient de l'écurie les cheveux reposés par une nuit paisible. L'un d'eux boitait encore légèrement. En ce moment, madame de la Morlaix parut, tenant par la main sa fille en costume de voyage. « Déjà ?» fit le duc. Un sourire contraint éclaira le visage de l'étrangère, sans lui rien faire perdre de son caractère d'austérité. « Je craindrais de vous déranger plus longtemps, monsieur, » répliqua-t-elle. Monsieur de Carlepont, qui cherchait une explication, poussa une chaise auprès de la petite fille qui déjà convoitait du regard la tasse de lait fumant et la galette servie par la bigorne. Avant que sa mère pût la retenir, l'enfant s'était assise et rompait un gros morceau de galette qu'elle mordait à belles dents. Madame de la Morlaix réprima difficilement un mouvement de colère. « Ah non, c'est de la haine !» pensa le duc. Mais continuant avec l'aimable assistance d'un homme du monde et les yeux fixés sur sa voisine, « Ne me ferez-vous pas l'honneur d'accepter ce modeste déjeuner » reprit-il. La bigorne est justement fière du lait que lui donnent ses vaches, et elle assure que personne à 20 lieues à la ronde ne pétrit de meilleure galette. « Elle a raison, c'est bon comme tout, » dit l'enfant qui mangeait toujours et qui poussa une part de la galette vers sa mère. Madame de la Morlaix avança la main, puis, comme vaincue par un sentiment dont elle n'était pas maîtresse, la laissa tomber. « Merci, je n'ai pas faim. » La bigorne fronça le sourcil. Monsieur de Carlepont se souvint des Arabes qui ne veulent pas rompre le pain et goûter le sol sous la tente de leur ennemi. Henri entra tout à coup. D'un seul bond, la petite fille se jeta dans ses bras. « Madame, les chevaux sont attelés, » dit Noël qui parut sur le seuil. « Et l'un d'eux boit encore, » reprit le duc. « On aurait pu dépêcher quelqu'un la ville voisine. « C'est inutile, monsieur, ceux-ci nous mèneront bien jusqu'au prochain relais. « Je suis attendu et n'ai plus une heure à perdre. » Monsieur de Carlepont s'inclina. Madame de la Morlaix sortit plus vite que la politesse ne le permettait et posa le pied sur la neige. Noël venait d'ouvrir la portière. Le duc la suivait tête nue. La bigorne grondait tout bas. Henri regardait sa jeune et fluette compagne qui semblait quitter la maison à regret. « Tu viendras nous voir au printemps, » dit celle-ci. « Il y a des fleurs partout. Tu demanderas Léopoldine. Léopoldine, c'est moi. » « Prenez garde, ce petit homme est capable de s'en souvenir, madame, » poursuivit M. de Carlepont. L'interpellation était trop directe pour que madame de la Morlaix pût se renfermer dans le silence. Sa bouche s'ouvrit avec un visible effort. « Un enfant sera toujours le bienvenu, » dit-elle. Elle enleva Léopoldine dans ses bras. l'assit à côté d'elle et fit signe au cocher de pousser les chevaux. La voiture s'ébranla. Comme elle sortait de l'enclos, une petite main parut hors de la portière, agitant un mouchoir et disparut presque aussitôt. On aurait dit qu'une force invisible l'avait arrêtée dans son mouvement. « Que lui ai-je donc fait ?» pensa le duc. La bigorne n'avait pas l'air content. D'un côté, on avait tout donné de bon cœur, de l'autre, on avait accepté du bout des doigts et mangé du bout des lèvres. « Ça n'empêche pas, dit-elle, que les deux enfants s'aiment déjà comme deux agneaux qui ont été la même mère. » Un mois après cette rencontre, M. de Carlepont, qui en avait raconté tous les détails à M. de Bléré, reçut de celui-ci une lettre dans laquelle on lisait le passage suivant. « Pas plus que vous, je ne connais et ne me rappelle Madame de la Morlaix. J'ai longtemps interrogé ma mémoire, elle n'a rien répondu. Or, je la sais fidèle. Je suis allé aux informations. Madame de la Morlaix est une personne fort considérée dans son pays. Elle est veuve et passe pour riche. Elle vit dans un château voisin d'Amboise où elle reçoit, dans la belle saison, la meilleure compagnie. On assure qu'elle fait un noble usage de sa fortune. Elle n'a qu'un enfant, la petite fille que vous avez vue à la Cormelle. Madame de la Morlaix se montre fort rarement à Paris. Vous savez à présent tout ce que je sais. » Cette lecture achevée, M. de Carlepont enfouit au plus profond de ses catacombes, que chacun porte en soi, et où l'on précipite tout ce qu'on veut oublier, le souvenir de la rencontre où Madame de la Morlaix jouait le principal rôle. La bigorne, néanmoins, en parlait quelquefois et déclarait hautement qu'elle n'aimait pas cette personne silencieuse, qui marchait dans la maison comme s'il avait eu des fers chauds sous les pieds. Des mois passèrent. Les enfants grandissaient et se développaient. Deux frères ne sont pas plus unis. Il y avait encore des batailles, mais elles ne compromettaient pas la solide amitié éclose dans ces cœurs jeunes et sincères. L'émulation, le désir de bien faire, les échauffaient. Le duc, les voyant si bien nourris des meilleurs enseignements, si prêts aux efforts de la vie, si mûrs pour l'épreuve des grandes villes et du contact des foules, songeait à les pousser enfin du côté de Paris. Il y pensait tristement. Ce n'était pas une mince affaire. Se séparer des horizons où tant de journées heureuses avaient été dans un ciel tranquille, c'était douloureux. On savait ce que l'on perdait, on ne savait pas ce que l'on trouverait. On pouvait rester à la Cormelle, y vivre doucement, humblement, prendre pour femme quelque honnête fille des environs, renoncer aux villes et faire souche de braves gens. Les Carlepont suspendraient l'épée au croc et prendraient le manche d'une charrue. Ce ne serait pas déroger, ce serait disparaître. On éviterait ainsi les secousses où tant d'autres laissent leur sang, leur chair, leur vie. Cette idée traversa l'esprit du duc et ne s'y arrêta pas. Il n'avait pas mission d'éteindre. Sa tâche, au contraire, était d'éclairer et de fortifier. S'ensevelir dans l'ombre, c'était presque déserté. Et puis le nom ne lui appartenait pas. L'œuvre qui devait faire un homme était commencée. Elle devait être achevée. Il fallait donc entrer hardiment dans la vie, en accepter les luttes et marcher au-devant de l'inconnu. Henri était armé pour le combat, Gilbert l'était aussi. L'heure était venue d'en accepter les chances. Le duc, en outre, savait, et son expérience le lui disait, aussi bien que sa raison, qu'on n'est pas un homme aussi longtemps qu'on n'a pas coudoyé les autres hommes et mêlé son cœur et son esprit à toutes leurs passions. La solitude avait fait son œuvre, au monde à faire la sienne. « Et ce n'est pas la moins difficile, » se disait M. de Carlepont. Sur ces entrefaites, quelques lignes égarées dans les pages d'un journal tombèrent sous ses yeux. Il y voyait briller le nom de Lanta, et ce nom arrêta son regard. Ces quatre lignes contenaient ces mots. M. B. Morin, notaire à Saintes, fait savoir aux parents de M. Guy Stanislas de Lanta, mort à la Nouvelle-Orléans le 14 octobre 1840 et quelques, qu'il a une importante communication à leur faire. M. de Carlepont prit une plume et écrivit rapidement une lettre à M. Morin. La réponse qu'il en reçut le détermina à quitter sur le champ la Cormelle et à se rendre à Saintes. Personne ne le questionna sur les motifs de son voyage. Il emportait seulement tous les papiers qui pouvaient établir la situation de Gilbert. Bientôt après, il apprenait que le baron Guy Stanislas de Lanta avait, par testament holographe, institué pour son légataire universel et son petit-neveu, M. le comte de Lanta, Jean-Louis Alexis et, à défaut du comte, son plus proche parent. La fortune, liquidée par les soins de l'exécuteur testamentaire, s'éleva à une somme ronde de 400 000 francs. M. Morin, dont le nom s'était trouvé dans les papiers de M. de Lanta, originaire de Saintes lui-même, en avait l'état détaillé. elle était augmentée d'un domaine sur lequel le baron était mort, et dont, par un codicille, il défendait l'aliénation. Cela représentait encore 15 ou 20 000 francs de rente. Les papiers apportés par M. de Carlepont établissaient légalement les droits de Gilbert, fils unique du comte de Lanta. Il fut mis en possession de l'héritage et le duc prit le soir même le chemin de la Cormelle, pensant à Gilbert et à Henri. « Voilà mon pauvre Gilbert riche, ou à peu près, » se disait-il. « Hier, il était comme un louveteau, né dans une lande. Maintenant, c'est un personnage. La toison est venue, avec les dents. Va-t-il mordre? Va-t-il être tondu? Mais quoi qu'il arrive, celui-là, si je ne me trompe, est de la race des êtres qui rebondissent. Terrassé 20 fois, 20 fois, il se relève. Hier, Henri lui était pareil, et tel que deux fruits mûrs suspendus à la même branche. Dès le premier pas, voici que la vie fait son œuvre, et la fortune les sépare. C'est une épreuve, la première, et non pas la moins difficile. Elle leur sera bonne à tous deux, s'ils savent en profiter. Mais le plus grand péril est pour Gilbert. » À son arrivée à la métairie, le duc trouva l'héritier du baron de Lanta qui fendait du bois, la chemise flottante autour du corps, les bras nus, le cou libre, le front baigné de sueur. Auprès de lui, Henri arrachait une vieille souche à grands coups de pioche. Ses mains allaient soulever le rude instrument avec l'aisance d'un fort bûcheron, et le laissaient retomber en cadence. Monsieur de Carlepont s'arrêta une minute derrière la haie. « Oh Paris, qu'en feras-tu » murmura-t-il. Un aboiement sonore le tira de sa rêverie. Falco l'avait reconnu et franchissait la porte à claire-voix d'un seul bond. La hache et la pioche tombèrent sur l'herbe. Henri et Gilbert étaient déjà près de lui. Monsieur de Carlepont les embrassa tous deux et sans plus tarder. « Gilbert, dit-il, tu es riche. » L'éclair de la surprise brilla dans les yeux de Gilbert, celui de la joie dans ceux de Henri. Un mouvement d'orgueil enfla le cœur du duc qui les observait, mais continuant. « Ce n'est pas une fortune à remuer le monde, dit-il encore, mais c'est l'aisance. Un peu plus même, l'abondance, et la liberté de prouver qu'on est quelqu'un. « Partageons, » s'écria subitement Gilbert, qui saisit la main de Henri. « Non, » répondit celui-ci, et comme Gilbert insistait, déjà prêt à se mettre en colère. « Non, » poursuivit Henri avec plus de force, « laisse-moi le droit de conquérir l'indépendance. Nous en reparlerons, » répliqua Gilbert. Monsieur de Carlepont trouva que la première épreuve était bonne. Il mit en quelques mots les deux jeunes gens au courant de l'aventure qui faisait l'un d'eux un homme riche, et leur annonça sur l'heure que son intention était de les conduire à Paris. « Ma résolution est prise, » ajouta-t-il. « Vous avez barbe au menton et âge d'homme. Le résultat de ma visite à M. Morin en précipite l'exécution. Une chaumière dans un pays pauvre n'est plus l'habitation qui convient à un homme qui a 30 000 bonnes livres de rente. De plus, il est bon que vous voyez le monde. L'un de vous y creusera sa voie, l'autre s'y défendra contre les embûches de la jeunesse et les tentations de l'exemple. Sa tâche ne sera pas la moins ardue. » Pendant la nuit qui suivit cet entretien, M. de Carlepont entra doucement dans la chambre des deux amis. Il dormait profondément. « Allons, » pensa-t-il, « la terre est bien préparée. Si la semence lève, j'aurai fait mon œuvre.